Nombre chapitre 36. Or les chefs des pères de la famille des enfants de Galaa, fils de Makir, fils de Manassé, d'entre les familles des enfants de Joseph, s'approchèrent, et parlèrent devant Moïse, et devant les principaux qui étaient les chefs des pères des enfants d'Israël, et dirent. L'Éternel a commandé à mon Seigneur de donner aux enfants d'Israël, le pays en héritage par sort, et mon Seigneur a reçu commandement de l'Éternel de donner l'héritage de Tselovka, notre frère, à ses filles. Si elles sont mariées à quelqu'un des enfants des autres tribus d'Israël, leur héritage sera ôté de l'héritage de nos pères, et sera ajouté à l'héritage de la tribu de laquelle elles seront, ainsi il sera ôté de l'héritage qui nous est échu par le sort. Même quand le temps du jubilé viendra pour les enfants d'Israël, on ajoutera leur héritage à l'héritage de la tribu de laquelle elles seront, ainsi leur héritage sera retranché de l'héritage de nos pères. Et Moïse commanda aux enfants d'Israël, suivant le commandement de la bouche de l'Éternel, en disant, ce que la tribu des enfants de Joseph dit, est juste. C'est ici ce que l'Éternel a commandé au sujet des filles de Tselovka, en disant, elles se marieront à qui bon leur semblera, toutefois elles seront mariées dans quelqu'une des familles de la tribu de leur père. Ainsi l'héritage ne sera point transporté entre les enfants d'Israël de tribu en tribu, car chacun des enfants d'Israël se tiendra à l'héritage de la tribu de ses pères. Et toute fille qui sera héritière de quelque possession d'entre les tribus des enfants d'Israël, sera mariée à quelqu'un de la famille de la tribu de son père, afin que chacun des enfants d'Israël hérite l'héritage de ses pères. L'héritage donc ne sera point transporté d'une tribu à l'autre, mais chacun d'entre les tribus des enfants d'Israël se tiendra à son héritage. Les filles de Tselovka firent ainsi que l'Éternel avait commandé à Moïse. Carmala, Tirtsa, Ogla, Milka et Noa, filles de Tselovka, se marièrent aux enfants de leurs oncles. Ainsi elles furent mariées à ceux qui étaient des familles des enfants de Manassé, fils de Joseph, et leur héritage demeura dans la tribu de la famille de leur père. Ce sont là les commandements et les jugements que l'Éternel ordonna, par le moyen de Moïse, aux enfants d'Israël, dans les campagnes de Moab, près du Jourdain de Jéricho.